Chapitre 25. Brynhild. J'ai entendu un chant qui fut chanté sur les vertes collines. C'était un récit des temps anciens, un récit de ce qui arriva au temps de Budli. Refrain. Gragnan porta l'orde dessus la bruyère. Gragnan porta l'orde dessus la bruyère. Vigourde brandissait son épée avec colère. Il remporta la victoire sur le dragon. Gragnan porta l'orde dessus la bruyère. Dans les temps anciens régnait un roi, et nous l'appellerons Budli. Il avait une fille très belle, née pour rendre heureux. Un roi régnait sur la grande forêt, et il s'appelait le joyeux Budli. Et ce roi partagea de l'or et des anneaux entre tous ses guerriers. Partout sur les vertes collines, on parlait de sa fille unique. Elle s'appelait Brynhild, fille de Budli, et c'était une belle femme. On parlait de la fille unique de Budli dans les vertes forêts. Elle s'appelait Brynhild, fille de Budli, cette femme charmante. Brynhild habite à Hildarfjall, et elle est la fille de Budli, et dans les chants héroïques on disait d'elle qu'elle faisait pâlir l'éclat du jour. Brynhild siège à Hildarfjall, au milieu du royaume de son père. Une vive lueur jaillissait de ses épaules, et c'était comme si on avait vu du feu. Brynhild est assise sur son siège, et elle peigne ses cheveux. Ils sont fins comme de la soie et brillants comme de l'or. Brynhild est assise dans la salle, et les guerriers y entrent, mais nul ne se considère comme digne d'elle. Bien des guerriers, des fils de roi et des jarls avaient demandé sa main, mais son cœur était à l'abri de l'amour. Elle les refusa tous. Et voilà le vaillant roi qui se revêt de son vêtement et qui s'avance dans la salle haute vers sa fille. « Écoute, ma fille chérie, tu me crées main péril en refusant tous ceux qui demandent ta main. Combien de temps accroîtras-tu mes soucis en refusant pour époux tous ceux qui entrent dans mon bourg ? Tais-toi, mon père, tais-toi, ne parle pas ainsi. Il n'est pas encore venu le vaillant guerrier que je puis prendre pour époux. Le vaillant guerrier que je puis prendre pour époux n'est pas encore venu. Vers l'est, au-delà de la forêt, mon cœur s'élance vers lui, et cet homme s'appelle Sjord, fils de Sigmund, et c'est la jeune Hjördis qui le mit au monde. Vraiment, ton amour est chose bien étrange, d'aimer ainsi un homme que tu n'as jamais vu. Ce sont les Nornes qui l'ont voulu ainsi. Cet amour remplit mon cœur. Il y a 9 hivers que j'aime Sjord, et mes yeux ne l'ont jamais vu. » Le roi répondit tout en buvant le clair hydromel. « Pourquoi Sjord est-il plus illustre que les autres fils de roi ? Écoute, ma fille chérie, je te le dis encore, pourquoi est-il plus renommé ce Sjord que les autres fils de roi ? Voici pourquoi Sjord est plus renommé que les autres fils de roi. Il a vaincu 100 guerriers à la fois. Voici pourquoi il est plus renommé que les autres fils de roi. Sa selle et sa cuirasse brillent comme de l'or. J'ai entendu parler de son adresse et de sa ruse. » Avec sa bonne épée, il tua le dragon aux écailles chatoyantes. Je l'ai entendu dire, car je n'y étais pas. Il a vaincu le dragon aux couleurs chatoyantes qui était couché sur la Glitraheide. Après qu'il eut tué le dragon aux écailles chatoyantes sur la Glitraheide, Sjord pensa à s'emparer du grand trésor. Sjord a tué le dragon aux écailles chatoyantes, et à cause de cela il est si riche que nul dans le Hunnenland, dans les pays des Hunnen, ne peut lui être comparé. Écoute-moi, ô ma fille chérie, donne-moi un conseil. Comment ferons-nous venir de son royaume cet homme si fort ? Tu me permettras de préparer une salle dans la marche solitaire. Là, je demeurerai avec une suite très peu nombreuse. Tu me donneras le siège d'or afin que je le place dans la marche solitaire, le siège que les deux nains ont orné si habilement de runes forgées. Ce siège que les deux nains ont si habilement orné de runes forgées. Une flamme, la Vaberlohe, et de la fumée entoureront cette salle. Cette flamme, la Vaberlohe, me protégera. Seul l'illustre Sjord osera s'y attaquer. Il lui fit ainsi préparer cette salle sur la marche déserte, et elle s'y rendit avec une suite peu nombreuse. Sur la marche solitaire, il lui fit construire une salle. Une grande flamme, la Vaberlohe, et de la fumée l'entourait. Et il la fit entourer d'une grande flamme, de la Vaberlohe, que les nains avec leurs runes s'entendaient à entretenir. Et il fit brûler une si grande flamme, la Vaberlohe, que les nains ne pouvaient s'en approcher par trahison. Et c'était de bon matin, le soleil rougissait les montagnes. Main noble guerrier chevauchait vers le bourg de Budli. Il était de bon matin, et à l'horizon, le soleil projetait ses rayons, quand main guerrier renommée entrèrent dans la cour de Budli. Brynhild est assise sur son siège, elle porte de l'or au front. Le roi Budli s'avance dans la salle et demande à parler à la jeune fille. Le roi Gunnar est arrivé ici de la cour de Yuki. Écoute, Brynhild, ma fille, le roi Gunnar est arrivé. Il faut que tu lui dises oui. Le roi Budli se tient debout, appuyé sur la table. La jeune Brynhild, sa fille, ne répondit pas un mot. Brynhild se lève de sa chaise. Elle étincelait d'or rouge. Elle fuit le bourg de Budli et se retire à Hildarhö. Grimur et Högni, fils de Yuki, se rencontrent sur la plaine verte. Les vierges tremblent à Hildarsal. Le fort bourg de Budli est ébranlé. Grimur et Högni, fils de Yuki, se battirent avec des épées acérées. Brynhild est assise, entourée de la Vaberlohe, au milieu du royaume de son père. Elle se rejette en arrière dans son siège d'or et rit sous ses voiles blancs. Celui qui chevauchera à travers la Vaberlohe sera mon époux. Brynhild est assise dans sa chaise d'or, la belle jeune fille. Elle attire de loin Sjord vers elle pour son malheur. Sjord s'éveille de bon matin et raconte son rêve. Il se jetait dans les combats comme l'eau coule dans le torrent. Je rêvais que Grani se trouvait au milieu d'une flamme rouge. Devant lui, sur le pré vert, coulait un grand ruisseau de sang. Je rêvais que j'étais assis sur le dos de Grani et je ne lui épargnais pas l'éperon. Devant lui, sur l'herbe verte, coulait à flot le sang des guerriers. Je rêvais que mon bouclier se brisait, ainsi que mon baudrier orné d'or. Je rêvais que ma bonne épée résonnait sur les casques d'or. Le matin de bonne heure, Sjord s'habille de façon à mériter l'admiration de tous. Il se rend dans son jardin et y apprend bien des choses. Voici ce que lui dirent les oiseaux assis dans les arbres. Brynhild est belle, la fille de Budli. Elle attend ton arrivée. Et les oiseaux sauvages assis sur les branches des chênes lui dirent « Brynhild, la fille de Budli, est belle, elle attend ton amour. » Voilà ce qu'apprécie Ord vers l'Orient dans son pays. Brynhild est assise à Hildarfjall, elle est rebelle à l'amour. C'était le matin et le soleil resplendissait au loin. Il dit à Vigrim, fils de Gunnar, « Selle-moi, mon beau cheval. » Le coursier que Sjord doit monter est amené. Ses flancs sont couverts d'écarlate. Le coursier est amené devant la grande salle. Il est couvert d'écarlate jusqu'au crin du pâturon. Sjord se met aux mains des gants lamés d'or. Ainsi il chevauche droit devant lui. Ainsi chevauche Sjord, fils de Sigmund, sur le chemin de ce lointain voyage. Le bon coursier bondit. Les anneaux d'or résonnent. Le héros porte 12 anneaux d'or. Il met au-dessus des autres son anneau royal d'or rouge. Il porte à la main 12 anneaux d'or. Ainsi l'adroit guerrier s'élance vers le pays du roi Budli. Grani court aussi vite sur les rochers que dans la plaine. Nul coursier semblable à lui n'est entré dans le bourg du roi Budli. Grani court aussi rapide sur les rochers que dans la plaine. Nul coursier semblable à lui n'entrera plus jamais dans le bourg de Budli. Il passe devant la cour du roi Yuki. Dehors se tient Grimhild, entourée de mains guerriers. Entourée de mains guerriers, Grimhild se tient dehors. Elle accourt et de ses deux mains saisit les rênes. Elle accourt et saisit les rênes de ses deux mains, car jamais elle n'avait vu plus noble guerrier sur le dos d'un cheval. Alors parla Sjord, fils de Sigmund, qui portait le front haut. Je croyais qu'il n'existait point de femme qui osa arrêter mon cheval. Sjord, suspends ta course. Écoute et réponds-moi. J'ai une fille qui est si belle et qui veut t'accorder son amour. Jamais je ne suspends ma course tant que court mon coursier. Je continue à gravir la montagne où brûle la Vaberlohe. Jamais je n'arrête ma course. Mon coursier s'élance vers les bois. Je continue à gravir la montagne pour contempler une belle femme. Ainsi faisaient autrefois les amants emportés par l'amour et ainsi font-ils encore aujourd'hui. Nul n'osait s'avancer assez près pour contempler la Vaberlohe. L'homme du guet a de la peine à se faire entendre. Il dit « Celui qui chevauchera à travers la Vaberlohe obtiendra la jeune fille. » Grimur chevauche dans la verte plaine. Il élève fièrement le front. Il guide son étalon vers le sommet afin de s'élancer à travers les flammes. L'illustre Sjord s'écrie qu'on le sache au loin « J'emporte le présage sur mon bouclier. Je veux chevaucher à travers le feu. » Nul ne chevauche sur le sommet de Brynhild sauf Sjord le rapide. Lui et son cheval Grani traversent la fumée et les flammes. Grani s'élance à toute vitesse à travers la campagne. Les pieds du cheval se dirigent vers les portes du haut bourg. Ainsi, rapidement, Grani trotte en avant. Il était ardent le feu qui brûlait les flancs de Sjord. Sjord gravit le sommet de Brynhild. ce que nul n'osa avant lui. D'un coup de son épée, il fend la haute porte. Avec sa bonne épée, il abat le bois des fenêtres. Il contemple alors la belle jeune fille couchée, revêtue de son armure. L'illustre Siourde entre dans la salle et regarde autour de lui. Il voit la jeune fille couchée seule sur son lit. Il contemple la belle jeune fille seule, endormie sous son armure. Il lève son épée acérée, puis coupe et défait sa cuirasse. Elle s'éveille, Brynhild, la fille de Budli, et regarde autour d'elle. Qui donc possède l'épée acérée qui a coupé en deux ma cuirasse? Brynhild s'éveille et regarde au loin autour d'elle. Quel est le vaillant héros qui a coupé ma cuirasse? Tu m'appelleras Siord, fils de Sigmund. C'est la reine Hjördis qui me mit au monde. Je suis venu d'un autre pays vers toi. Je m'appelle Siord, fils de Sigmund, ô ma bien-aimée. Brynhild se soulève sur son lit. Elle rit sous les linges blancs. Sois le bienvenu, toi qui as quitté d'autres pays pour venir près de moi. Écoute, Siord, fils de Sigmund, qui t'a montré le chemin quand tu chevauchas à travers la fumée et les flammes de Vaberlore. Deux oiseaux me dirent dans le bois verdoyant. Elle est belle, Brynhild, la fille de Budli, et elle attend ta venue. Voilà ce que me dirent deux oiseaux sur mon chemin, et c'est pour cela que j'ai chevauché jusqu'ici. Écoute-moi, Siord, fils de Sigmund. Ne sois point si prompt. Va d'abord à la cour de mon père et demande-lui conseil. Siord, fils de Sigmund, parla. Il était à la fois sage et beau. Tu as reçu peu de bons avis de ton père, car tu as attendu bien longtemps ma venue. Je ne vais point vers ton père afin de lui demander son conseil. Les liens de l'amour l'attachèrent à la jeune fille pleine de savoir. Asla, fille de Siord, fut conçue à ce moment. Il se coucha dans les bras de Brynhild. Appuyé sur sa poitrine, il dit « Je te fais le serment de fidélité. Jamais je ne te trahirai. » Il déposa 12 anneaux d'or sur ses genoux. Voilà le premier lien de nos fiançailles. Il déposa les 12 anneaux d'or sur les genoux de la jeune femme et tout au-dessus, il plaça son anneau royal auquel il tenait tant. Les 12 anneaux d'or, il les mit dans ses bras. Ce sera là le second lien de nos fiançailles. Et c'était Siord, fils de Sigmund, à qui ne manquait point la bonté. Il tresse 3 anneaux d'or dans les cheveux de Brynhild. Ainsi fit Siord, fils de Sigmund, et le bonheur ne lui faisait point défaut. Il demeura 7 mois dans la résidence de la jeune fille. Brynhild, donne-moi ma selle et mon bouclier et ma cuirasse. D'autres devoirs m'appellent ailleurs. Reste plutôt en paix auprès de moi et réjouis-toi dans ma couche. Le royaume qui a une fille puissante dans les arts magiques. Jeune, tu perdras la vie. Tu épouseras Gudrun et tu ne jouiras plus de moi. Cela me paraît bien étrange. Rien de semblable ne m'arrivera jamais, Brynhild. Jamais mon amour ne se détournera de toi. Brynhild, fille de Budli, parla. Son cœur se glaçait dans sa poitrine. Le roi Yuki a une fille. Elle te charmera par son amour. Écoute-moi, Siord. Je te donnerai de l'or pour des anneaux. Ne chevauche pas vers Grimhild. Elle est pleine de trahison. Elle le suivit longtemps sur le chemin et lui souhaita un bon voyage. Puisses-tu avoir longue vie, bonheur et succès en tout. Nous nous quittons cette fois au milieu de la félicité et de la joie. Siord, le noble héros, lui donna cette réponse. Jamais, ma vaillante bien-aimée, jamais tu ne sortiras de mon cœur. Et c'était Siord, fils de Sigmund, qui se tenait sur la selle, et il embrassa Brynhild, la jeune femme, de tout son cœur. Et c'était Siord, fils de Sigmund, qui vint chevauchant à la cour. Le roi Budli en personne s'avança à sa rencontre. « Sois le bienvenu, Siord, ici près de moi. Bois ce qui te plaît le mieux, de l'hydromel ou du vin. Je fais peu de cas de ton hydromel, peu de cas de ton vin. Donne-moi la jeune Brynhild, ta fille unique. Sois le bienvenu, Siord, tu n'as pas besoin de m'envoyer des messagers. Je connais bien ta destinée jusqu'à ta mort. Jeune encore, tu périras. Tu épouseras Gudrun et tu ne jouiras pas de Brynhild. Tu as juré fidélité à Brynhild. » Et tu voudras tenir ton serment. Gudrun te donnera un breuvage enchanté qui te causera des malheurs. Étranges sont tes paroles. Cela ne m'arrivera pas. Jamais mon amour ne se détournera de ta Brynhild. Alors le roi Budli lui répondit. Son cœur commençait à se glacer dans sa poitrine. Le roi Yuki a une fille qui te charmera par son amour. Cela me paraît étrange. Jamais il n'arrivera que mon amour se détourne de ta Brynhild. Écoute ceci, Siord. Ne te prépare pas cette honte. Ne chevauche pas si loin. Ne passe pas devant la cour de Yuki. Ne chevauche pas si loin. Ne passe pas devant la cour de Yuki. Grimhild se tient dehors, entourée de mains guerriers. Entourée de mains guerriers, Grimhild se tient dehors. Elle voudra savoir où tu vas. Où tu vas, voilà ce qu'elle voudra savoir. Car jamais elle n'a vu sur le dos d'un cheval un si noble guerrier. Il le suivit longtemps sur le chemin, et lui souhaitant bon voyage. Puisses-tu avoir la santé, du bonheur et réussir en tout. Siord chevaucha à travers la forêt sans nul danger. Tout à coup il voit un monstre qui frappe des deux jambes de devant, une bête horrible qui frappe des deux jambes de devant. Elle lance du feu et jette du venin. Sa vie fut en danger. Siord est assis sur le dos de Grani, et il croit qu'il ne trouvera pas le chemin. Grani ruait et mordait, et bondissait de côté et d'autre. Le coursier devenait furieux. Il ne retrouvait point le chemin. Ainsi Siord fut obligé de se diriger vers la cour de Yuki. Le monstre alors disparut. Il disparut au regard de Siord, et il vit Grimhild assise, ornée de rubans de diverses couleurs. Et il chevaucha si loin, jusque devant la cour de Yuki. Grimhild se tient entourée de mains guerriers. Entourée de mains guerriers, Grimhild se tient dehors. Elle accourt et des deux mains saisit ses rênes. Siord, suspends ta course. Écoute et réponds-moi. J'ai une fille très belle qui veut t'accorder son amour. Gudrun, ma fille, est la plus belle partout où elle va. Des roses et des lys brillent sur ses joues. Ma fille Gudrun est belle et te sied bien mieux que Brynhild, qui ne lui ressemble pas plus que l'hiver à l'été. Entre dans la salle, tu ne t'en repentiras pas. Bois cette coupe, ton cheval sera mis en lieu sûr. Gudrun, la vierge, s'avança revêtue d'un manteau bleu. Ses cheveux pendent sur ses épaules, entrelacés de bandelettes de soie. Et voici Grimhild, l'épouse de Yuki, qui parle à sa fille. Va dans la cave et mêle de l'hydromel et du vin. Va dans la cave et mêle de l'hydromel et du vin. Et fais en sorte d'y mettre une puissante force d'oubli. Alors la fille de Yuki, Gudrun, parla. Elle avait la langue prompte à la répartie. C'est rarement un bonheur de prendre ce qui appartient à autrui. Il y a dans notre pays maints fils de roi et de jarl. Désirer ce qu'un autre possède est rarement un bonheur. Elle leva la main droite et donna à Gudrun un coup dans les dents. Le sang coula sur sa poitrine et les guerriers le virent. « Tais-toi, Gudrun, ma fille. Il faut beaucoup pardonner à une innocente. Il vaut mieux cependant faire soi-même des avances que de manquer un bon époux. » Gudrun alla dans la cave et mêla de l'hydromel et du vin, et elle y mit une grande puissance d'oubli. Elle y ajouta une très grande puissance d'oubli. Puis elle en apporta une coupe à Siord et le pria d'en boire. Il se mit à boire la bonne boisson et en but dans une longue corne. Siord perdit le souvenir et nul ne pouvait le guérir. Et quand il eut bu, il rendit la coupe. Il ne pensa plus à Dame Brynhild et il ignorait où il se trouvait. Gudrun but à la santé du beau guerrier. Siord ne songea qu'à une seule chose, à posséder Gudrun. Et voilà la méchante femme Grimhild qui parle à sa fille. Va dans la chambre et prépare-la pour notre hôte. Et Siord, fils de Siegmund, commençait à s'éprendre de la jeune fille. Aussitôt il fixa les noces. Il ne voulait pas attendre longtemps. On but joyeusement à ces noces et leur vie était heureuse. Tous deux partagèrent la même couche, Siord et sa femme. 15 flambeaux de cire, sans mentir, furent brûlés devant eux. Le roi et ses fidèles, tous les conduisirent au lit. Siord monte dans la chambre et trouve le chemin vers Gudrun. Brynhild l'entendit à Hildarhöhe. Et la colère entra dans son âme. Brynhild quitte Hildarhöhe, la belle femme. Siord visita Gudrun, mais le héros perdit la vie. Brynhild parla, et des larmes coulaient de ses yeux. Gudrun, la fille de Yuki, ne jouira pas du bonheur de posséder le brave guerrier. Brynhild s'écria à haute voix, « Je veux lui créer des soucis, car enlever ce qu'un autre possède donne rarement du bonheur. » C'était le matin de bonne heure, à peine le soleil rougissait l'horizon. Les deux belles femmes entrèrent dans l'eau pour s'y laver. C'était le matin de bonne heure, le soleil rougissait les collines. Les deux belles femmes se rendirent à la rivière pour s'y laver. Elles se rencontrèrent à mi-chemin, Brynhild et la fille de Yuki. L'une était au comble du bonheur et l'autre accablée de douleur. Elles se rencontrèrent à mi-chemin, Brynhild et la jeune Gudrun. L'une était au comble du bonheur et l'autre accablée de tristesse. Brynhild se tut, Gudrun parla, les deux femmes étaient disposées à se quereller. « Pourquoi, mon frère, le roi Gunnar, ne veut-il pas épouser une si belle femme ?» Et voilà Gudrun, la fille de Yuki, qui agissait avec outrecuidance. Elle ne voulait point se laver dans l'eau qui coulait des cheveux de Brynhild. Elle s'avança jusqu'au milieu de la rivière où le courant était très fort, car elle avait pour épouse Yord, qui était supérieure à tous les autres guerriers. « Cet anneau d'or rouge que tu vois à mon bras, Siord, fils de Sigmund, me l'a donné. Je l'obtins en dépit de toi. » Brynhild, fille de Budli, parla, transportée de fureur. « Pour ce mot, Siord périra, si je conserve la vie. Que tu sois heureuse avec ce puissant guerrier, je ne le permettrai pas. J'ai obtenu l'amour de Siord avant que tu l'aies vu. Siord a eu ta virginité et a porté atteinte à l'honneur de Budli. Tu t'es livrée avec ardeur au héros, et maintenant il est mon époux. Il ne te convient pas, femme perfide, de m'adresser ce reproche. À cause de tes paroles, Siord périra si je conserve la vie. Je ne crains point tes menaces, quelque féroces que soient tes paroles. Nul à la cour de Yuki ne pourrait enlever la vie à Siord. Brynhild se retira en pleurant dans son appartement. Gunnar, ce roi vaillant et renommé, veut la visiter. Brynhild se mit au lit en ce moment, et à cause de Siord, elle endura de grandes douleurs pendant une heure. Quand Siord, fils de Sigmund, l'entendit, il alla lui-même visiter la charmante femme. « Il n'y a point de guerrier un qui est aussi mal agi que toi. Tu as trompé la femme à qui tu as d'abord juré fidélité. Écoute, ma vaillante bien-aimée, ne m'accuse point de cela. Mon cœur a été détourné de ton amour. » Aussitôt que Brynhild put fixer ses yeux sur Siord, la belle jeune femme mit au monde une fille. Aussitôt Brynhild s'écria d'une voix forte, « Portez mon petit enfant au fleuve, je ne veux pas le voir. » On emporta Asla, la fille de Siord, et on la laissa emporter au fil de l'eau. Le courant rapide et les flots agités emportèrent l'enfant loin de la terre. Déjà plus d'un a été mis en péril à cause d'une belle femme, et maintenant la dernière heure de Siord est arrivée. Il va perdre la vie. Siord était un brave guerrier. Il plongea son épée dans le sang, et des femmes voulurent le tuer comme vous allez l'entendre. Brynhild est assise dans sa chambre, l'âme accablée de tristesse. Elle ne veut ni parler, ni se reposer, la femme charmante. Gunnar entra dans la salle armée d'une lance acérée. Il périra de mort violente, celui qui t'a causé de la peine. C'est Gudrun, ta sœur, qui est cause de ma douleur, car elle possède Siord, le brave compagnon, qui est supérieur à tous les autres. Brynhild est couchée dans son lit. Gunnar est appuyé au bord de la couche. Maintenant, elle le pousse à une méchante action, si froide est son âme. « Jamais tu n'obtiendras mon amour. Jamais même tu ne dois espérer l'obtenir si tu ne fais point sortir Siord de ce pays. Écoute, ma vaillante bien-aimée, je ne puis penser que tu veuilles rendre le jeune Siord victime d'une trahison. » Puis Gunnar ajouta, « Il ne peut en être ainsi. Siord est mon frère par serment. Je ne puis rien lui faire. » « Jamais tu n'obtiendras mon amour, jamais même tu ne dois essayer de l'obtenir. Aussi longtemps que mes yeux verront Siord, ma douleur ne finira pas. Écoute, ma vaillante bien-aimée, tu me causes de grands soucis. Comment enlèverai-je la vie à Siord? Aucune épée ne peut le blesser. » Alors Högni, fils de Yuki, parla, tandis que ses joues pâlissaient. « Il y a maintenant 15 hivers que nous avons combattu l'un contre l'autre. Brynhild s'assit dans son siège d'or, qu'on sache ceci au loin. » Les Yukungen veulent chevaucher dans la forêt. Brynhild est assise sur son siège. Elle joue avec un couteau doré. Vous n'entrerez plus dans ma chambre tant que Siord sera en vie. Eh bien donc, écoute, Brynhild, fille de Budli, donne-nous un conseil. Comment pouvons-nous enlever la vie au jeune Siord? Donnez à Siord des mets très salés et qu'il n'ait rien à boire. Chevauchez dans la forêt sans crainte. Demandez-lui de changer entre vous de sel et de cheval. Si ton cœur songe à la trahison, efforce-toi de l'accomplir le mieux que tu pourras. Siord entre dans la salle. Il est beau et sage. Brynhild est assise courbée sur son siège. Siord se tient debout sur le seuil, son bouclier d'or à la main. La jeune Brynhild, fille de Budli, détourne de lui ses yeux. Siord prend la parole, ce brave guerrier. « Si je reviens de la forêt, je veux t'épouser. » Brynhild répondit, sa langue était prompte à la répartie. « Je ne puis aimer deux rois à la fois sous le même toit. » Brynhild, fille de Budli, avait l'âme attristée. « Écoute, Siord, fils de Sigmund, tu n'es pas fiancé avec moi. » Et il se fit un grand bruit dans le bourg du roi. Les guerriers allaient s'éloigner en chevauchant. Brynhild était appuyée sur le dos de son siège d'or et ses larmes coulaient sur ses vêtements. Le roi Budli passa agité de 1000 soucis. « Qu'on donne à Siord le haume, l'épée et la corne à boire. » Nul n'aime tant autrui qu'il soit prêt à sacrifier ce qui lui appartient. Sjord, fils de Sigmund, ne devait point rester plus longtemps en ce monde. Alors le roi Budli dit en saisissant son anneau d'or rouge « Écoute, Brynhild, ma fille, pourquoi veux-tu tuer Sjord ? Souviens-toi de cela, Brynhild, ma fille. Songe-y à temps, c'est toi qui attiras Sjord du pays du Nord vers nos vertes collines. Penses-tu à cela, ô ma fille chérie ? Tu as attiré Sjord des pays du Nord vers Hildarhöhe. » Le roi Budli sort de la salle, le matin de bonne heure. Brynhild est assise, la tête appuyée sur la main. Ils chevauchent vers la forêt et Sjord les accompagne. Il ne soupçonnait pas la trahison qu'on machinait contre lui. Brynhild est restée dans la salle, elle regarde au loin. Le noble Sjord chevaucha en avant, comme le premier et le plus brave des Jukungen. Brynhild s'assied dans son siège d'or, accablée de douleur. Accablée de douleur, elle laissa couler des larmes sur ses deux bras. Brynhild pleura bien lamentablement, la belle femme. « Adieu, adieu, Sjord, fils de Sigmund, je ne te verrai plus vivant. » Ils chevauchent dans la forêt, joyeux et sans souci. Ils donnèrent à Sjord des mets très salés et rien à boire. Eux, ils boivent souvent à longs flots dans leurs cornes, tandis que celle de Sjord est restée dans la salle de Yuki. Ils boivent dans leurs cornes sans aucun souci. Sjord est assis sur le dos de Grani et il désire boire. Ils boivent dans leurs cornes, joyeux et sans souci. Sjord détache la courroie de son aume et descend de la selle. Il ne craignait aucune trahison. Il descend de sa selle et s'élance vers la source, joyeux et sans souci. Sjord se couche pour boire l'eau de la fontaine. Rarement une bonne branche pousse sur un mauvais arbre. Sjord se couche pour boire l'eau de l'étang. Gunnar avait l'épée qui pouvait entamer le col de Sjord. Högni le perça et Gunnar le frappa avec leurs épées d'assassin. Ils commirent ce crime horrible, ils enlevèrent la vie à Sjord. Högni le transperça et Gunnar le frappa, surtout par les conseils de Brynhild. S'il avait prévu la trahison, il était homme à les vaincre tous deux. Il prit la parole, la colère et la haine l'animaient. « Si j'avais deviné votre trahison, je vous aurais vaincu, vous et bien d'autres encore. » Couché à terre, il parla encore. « Si j'avais prévu la trahison, je vous aurais vaincu tous. » Ils changèrent de vêtements et d'apparence extérieure, mais Grani ne voulut point avancer. Il était doué d'une intelligence humaine. Quand Gunnar se fut mis en selle, Grani ne voulut pas avancer avant qu'on eût placé sur son dos Sjord le rapide. Ils prirent le corps de Sjord, de ce brave guerrier, et le rapportèrent sur son bouclier. Que d'hommes ont perdu la vie à cause d'une femme! Ils prirent le corps de Sjord et le reposèrent sur les genoux de Gudrun. La fiancée ignorait tout. Elle ne s'éveilla que quand le sang coula sur le lit. Elle ignorait tout, la fiancée. Elle ne s'éveilla que quand le sang eut mouillé le lit. Faut-il s'étonner qu'elle considérât cela avec horreur? Gudrun, la fille de Yuki, s'éveilla et dit ces mots. « Ce n'est pas de toi, roi Gunnar, que j'aurais dû attendre une trahison. » Gudrun se dresse sur son lit. Elle essuie le sang et embrasse la bouche sanglante et la tête de Sjord. Alors Gudrun, la fille de Yuki, prit la parole. « Je vengerai la mort de Sjord, à moins que je ne perde la vie. » Gudrun se dirigea vers la grande salle et se débarrassa de son manteau rouge. Sa vie était désolée par la mort de Sjord. « Écoute ceci, ma chère fille, ne pleure point la mort de Sjord. Artala, roi du Hunnenland, ne manque point d'or rouge. » Gudrun, la fille de Yuki, parla. Elle était accablée de douleur. « Là-bas, je vengerai la mort de Sjord, à moins que je ne perde la vie. » Brynhild s'était endormie tant de nuits dans les bras de Sjord, et maintenant qu'elle avait causé sa mort, de douleur son cœur se brisa. Brynhild mourut de douleur. Sjord perdit la vie. On peut juger de la beauté de Brynhild d'après l'amour qu'elle inspira. Après la mort de Sjord, Brynhild succomba à sa douleur. Ils apportèrent à Gudrun de l'or, des trésors et maints anneaux d'or rouge. Maintenant, il faut dire cette vérité, que les femmes ont le cœur tendre. Gudrun parcourut le monde entier en tenant Grani par la bride. « Je cesse ici mon chant. Pour cette fois, je ne chanterai pas davantage. »